La communauté internationale admire l'invincible Parti du Travail de Corée. Le président du Conseil suprême du nouveau Parti socialiste roumain et le représentant de la succursale belge de l'Association d'amitié avec la Corée ont dit que la puissance invincible du Parti du Travail de Corée, qui remplit à merveille la mission et le rôle d'état-major de la révolution, est impensable à l'écart des exploits du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il. Les masses médias de divers pays, comme le journal d'internet indonésien Rumul, ont indiqué que le Parti du Travail de Corée est l'unique parti dans le monde qui réalise la cohésion étroite avec les masses populaires. Le secrétaire général du comité central du Parti communiste tchécoslovaque et autres personnalités des partis politiques et des organisations de divers pays ont dit que le Parti du Travail de Corée, conduit par le respecté camarade Kim Jong-un, remporte de grands succès dans la lutte pour honorer davantage les exploits des leaders précédents en matière d'édification et de direction du parti, défendre le socialisme et réaliser la paix et la réunification de la péninsule coréenne. Le directeur de l'Institut russe du Kim Il-sungisme Kim Jong-ilisme a noté que le Parti du Travail de Corée a créé l'exemple mondial de l'édification du parti révolutionnaire tout en continuant les idées et œuvres du leader. Le secrétaire des relations internationales du Parti communiste populaire espagnol a souligné que d'apprendre activement l'histoire de la lutte sacrée du Parti du Travail de Corée est l'exigence indispensable pour adhérer fermement aux principes socialistes dans le monde actuel.